La Bible dit. Vous allez me dire ce que vous comprenez. Oui, je reviens parce que j'ai sorti même du sujet. Je reviens un peu pour que lui aussi va me dire ce qu'il comprend. Comment il peut aussi expliquer ça à ta personne. Voici ce que la Bible dit en Jean 6, verset 38. Il est dit, parce que je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Donc, il est descendu du ciel pas pour faire sa volonté. Qui? Jésus. Ok. Non, il vient faire la volonté du Père. Il vient faire la volonté du Père. Mmh. Voilà. Ça veut dire que s'il est venu ici, c'est quelqu'un qui l'a envoyé. Mais c'est ça que c'est ce que la Bible dit à l'expression de contredit. Ça. Maintenant, je pose la question. Mm-hmm. Parce que j'étais bien fait comprendre, mais le texte, saisi, il est pris. C'est juste pour montrer que Jésus et Dieu sont différents. Différents. Voilà. C'est ça qui m'a poussé à te poser la question. Vous comprenez un peu très bien moi j'ai dit la nature du verset. C'est exactement ce que on fait le contraire. C'est exactement ce que le verset dit. Mais je vais juste en devoir poser la question qu'on avance. D'accord, parce qu'on peut rester sur un seul texte biblique. Maintenant, je te pose la question, c'est quoi le royaume de Dieu? Tu as défini que c'est la domination universelle, quand la volonté de Dieu parfaite va s'installer, et on va revenir à la condition d'avant chute. Il y a aussi un risque. C'est que si on le prend, ça serait verset contre verset. Non, c'est pour ça que je n'ai pas cité les versets. Mais si on reste d'abord là, par exemple, on peut te donner ce verset. On peut te donner tout simplement ce verset, de l'expliquer aux gens. On dit seulement que non, Junior, explique-nous les termes français qui sont utilisés ici. Oui. Tout simplement. Oui, c'est que Jésus est venu faire la volonté du Père. Ouais. C'est ce qui écrit, pas dit autrement. Voilà. Jésus est venu faire la volonté du Père. Et maintenant, donc, moi, je te pose donc la question. Oui. Moi, je te pose la question. Quelle est la relation entre le Père et le Fils? Je te pose donc la question. Qui est le Père? Qui est le Fils? Si tu poses cette question, je suis obligé de sortir de ces versets. On est d'accord? Non. Attends, maintenant moi je veux te poser la question. Il ne parle pas qui est le Père, parce qu'il n'a même pas cité le Père ici. Il a seulement dit, je suis venu non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il a seulement dit, c'est lui. Il n'a même pas cité le Père. Il n'a pas cité le Père. Oh, maintenant tu vois très bien que pour que je puisse expliquer davantage ces versets, il faut forcément sortir de ces versets. On est d'accord, non? Moi je veux aussi, écouter aussi la vie de. Non, il m'a posé la question. C'est un homme, il ne peut pas le défendre comme je défends Michel. Même si pourquoi c'est son avis. Tu me poses la question, je vais te répondre. Et on demandait que ce verset biblique. Ce verset. Explique quoi? Il est venu faire la volonté du Père. Qu'est-ce que la Bible dit? Il est venu faire la volonté. Pas sa volonté. La volonté du Père. Qui est venu faire la volonté du Père? Jésus. Ouais. Alors, est-ce que Jésus est le Père? Maintenant, je suis en train de te poser des questions sur ce verset. Oui. Est-ce que Jésus et le Père, c'est la même personne? Ça, c'est hors du verset là maintenant. A priori, lorsqu'on vit ce verset, c'est a priori, on voit clairement qu'il y a deux personnes, deux volontés. Ouais, ok, on savait donc au fait qu'il y a deux volontés. On comprend donc qu'il y a deux volontés. Donc Jésus pourrait avoir sa volonté, mais il a soumis sa volonté sous la volonté de celui qui l'a envoyé. Voilà. C'est ce que le verset dit. Ok, tout comme je suis avec Michel. Non, tu sors de la Bible là maintenant. Est-ce que tu restes dans la Bible? Parce que tu commences à prendre les choses humaines ou les choses de Dieu. Ok, si je veux. Ok, donc je reste dans la Bible. Ok, comme tu restes dans la Bible. D'abord, n'est-ce pas? Michel n'est pas ton fils. D'accord, même si si me prends José et moi, ça ne marchera pas. Parce que je peux envoyer José aller faire quelque chose en arrivant. Il voit un enfant qui commence à jouer là-bas. Alors que c'est sa volonté qu'il a de faire comme ça là. Donc, restons dans les choses de la Bible. Dans la Bible. Oui, mais même Jésus pouvait aussi se mettre à jouer. C'est un fou. C'est un fils parfait. N'est-ce pas, Alex? À moins que, comme tu as lu comme ça, tu me poses les questions que je réponds. À moins que, ou bien tu veux donner des explications, je te laisse. C'est dans ce sens-là que je t'ai laissé que. Explique-moi ce que c'est que le royaume. Pourquoi on puisse. Par rapport à ce verset. Ce verset, comme tu as dit, sans qu'on nous pose des questions. Des questions, oui. Sans même toutefois poser une quelconque montre question. Montre qu'il y a deux personnes. Montre qu'il y a deux personnes. Absolument. Moi, j'ai marre la vie. Donc, comment donc se peut-il qu'il y ait deux personnes? Qu'il y ait deux personnes, après subitement. Oui. On me dit que ces deux personnes deviennent encore une personne. Ça veut dire qu'il y a pourquoi? Un problème. Voilà. Or, quand on parcourt tout au long des évangiles de Jésus, dans la grande majorité, dans sa grande majorité de ses déclarations, il ressort clairement que Jésus est seul, le Père est seul. Est seul, et le Père aussi est seul. Et il ressort aussi clairement que nul n'avait été la volonté du Père. Jésus ne serait jamais venu sur terre.